l'occasion de la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung et de la journée de Sungun, l'association népalaise en faveur de la politique de Sungun a fait paraître le 20 courant en brochure l'œuvre du maréchal Kim Jong-un, que les jeunes soient les combattants d'avant-garde infiniment fidèles à l'œuvre de la révolution du Sungun du parti.